À propos des manœuvres militaires conjointes Kirisov et Aigle 17 de nature agressive, livrées par les impérialistes américains et les autorités sud-coréennes, un commentateur des affaires militaires a publié un écrit sous le titre « Manœuvres militaires conjointes Kirisov et Aigle 17, dévoilement du complot belliqueux et scélérat ». L'auteur a noté que les manœuvres militaires conjointes livrées pendant une soixantaine de jours, depuis le 1er mars jusqu'au 30 avril, à l'envergure sans précédent, ont été un simulacre de guerre d'agression le plus dangereux et téméraire qui a conduit la péninsule coréenne à la pire phase de guerre nucléaire et menacé gravement la paix et la sécurité de la région. Et il a dénoncé en détail la nature agressive et aventureuse de ces manœuvres. Pour terminer, il a souligné que la Corée répondra à la politique d'austérité des impérialistes américains et à leur simulacre de guerre incessant par la puissante riposte militaire à la coréenne, à leur acte terroriste d'État ultra-géant et intolérable par la frappe impitoyable destinée à réduire en cendres la Maison Blanche et la Maison Bleue, à leur menace de guerre nucléaire par la sophistication de l'armement nucléaire de justice et le renforcement de la capacité d'attaque nucléaire préemptive, et que c'est notre avertissement catégorique adressé aux impérialistes américains et à leurs valets.